c'est notre liberté d'expression. Soir sous ses premiers pas, toujours en freestyle session. De nos jours la compassion, laisse place au coup de pression. Œil pour œil, dent pour dent, c'est le retour de l'agression. Les lyrics sont agressifs, des notes d'un lourd passif. Parfois réfléchis, parfois impulsif. Les blessures sont à vif, mais putain qu'est-ce qui t'arrive. Bah ouais tu connais le tarif, bah ouais tu connais. La liberté n'a pas de prix, le système nous a happé. Tant mieux pour toi si t'es happy. Bah nous on sourit peu, car nos vies sont sirupeuses. Juste un seul morti rappeur, qu'on la rime bien aiguisée. Le stylo comme au parleur, j'sais pas si t'as saisi. Qu'ici c'est l'esprit frappeur, on passe à l'abordage. Le poids des mots comme adage, vas-y demande à KS. On est programmé pour réussir, la planète meurt à petit feu. On est si peu à le saisir. Le premier pas, ça y est on se lance, on fait le premier pas. Le papier parle en silence, il dit vrai, le renier pas. On a du mal à marcher un peu comme un nourrisson. Dans la soupe je vais pas cracher parce que je me nourris de son. L'instru chatouille la feuille, je le rends service quand je la gratte. Parfois je fais le bâtard, je la scarifie de rimes ingrates. J'écris des rimes en kilos et des mesures en tonnes. Je suis pas là pour faire le zouave sur de la musique bretonne. Là je fais le premier pas, non je suis pas prêt de cesser le son. Je refuse aucune invitation de mes associés de ces sons. Syndicat SMSK, enregistrement nocturne. Esplif à donc ça tourne, du coup je plane à côté de Saturne. Il faut que ça tue, on stoppe tout dès que le son sature. Ta marque proche, ressens les vibrations dans l'ossature. Si le rap est mourant, là tu me verras à courir. Avec lui je fais le premier pas, je ne pense pas déjà à courir. Le goût faut qu'on évite, la déco du rap de l'ouest. On étouffe dans nos vies, tu le sais qu'on brasse de l'air. Ne crois pas que mon équipe se comporte de l'âge, tu sais. On aimerait suivre les directives, mais ça nous confond l'âge du lest. Le goût faut qu'on évite, la déco du rap de l'ouest. On étouffe dans nos vies, tu le sais qu'on brasse de l'air. Ne crois pas que mon équipe se comporte de l'âge, tu sais. On aimerait suivre les directives, mais ça nous confond l'âge du lest. Là ça dit quoi? Notre premier pas, un premier bar, un son de dharma. Rituel calife mystère, fit syndicat. On sort du taf et t'appelles son, vite fait un aperçu. Ça vient de chez nous et ça percute, bah la vraie barre. L'amour, les doutes, le vice, ses rêves m'ont éventré. Un tas des tours de rythme, mes aventures, voyage en train. Voilà je m'entraîne, j'assemble les mots afin que ça sonne. J'suis l'homme d'inquiète, pas un exemple. Juste authentique, rien d'alléchant et alléchante. Jusqu'au bout de la nuit, enfermé dans ma chambre. Parfois je broute la vie, chacun de mes vœux finit sans cendre. Ma voix ternisse l'enceinte, le spliff latise une sale manie. Sorti de nulle part, voilà la team. Sa crotte c'est quoi? Un brin de conscience dans l'ombrie. Stermine ticket gagnant, parce que le beat on sait le manier. La tête dans les nuages et le pied dans la mer. J'arrive pépère et motivé, comme lors de mes premiers pas. Y'a du travail, de l'engagement, messieurs les auditeurs ne niez pas. Décidé à faire l'écart, des heures de taf, des rêves et difficiles. Des bouteilles vides et sans dard plein de ton car. On se réunit, c'est le rituel, rap conscience habituelle. Le jeu est ancien, se connecte, car les enjeux restent actuels. Toujours rien de paraffé, c'est en indé qu'on fout le raffut. Si c'est le soupe dans ta hi-fi, c'est que l'instru, on la méfie. Ambiance austère et délétère, mineur au mitard, majeur à mi-temps. Qui donne des leçons, c'est inquiétant en vrai. Rien n'a changé depuis mes premiers pas. Moins les nerfs, plus lucides, donc j'arrive en paix. Toujours aussi impressionné par le combat de Mandela. Exprimez-vous, n'ayez pas peur, la liberté, demandez-la. La vérité, elle là, ouvre les yeux et matelas. Je donne ça à l'ancienne, entre le placard et le matelas. Le goût faut qu'on évite, la déco du rap de l'ouest. On étouffe dans nos vies, tu le sais qu'on brasse de l'air. Ne crois pas que mon équipe se comporte de l'âge, tu sais. On aimerait suivre les directives, mais ça nous confond l'âge du lest. Le goût faut qu'on évite, la déco du rap de l'ouest. On étouffe dans nos vies, tu le sais qu'on brasse de l'air. Ne crois pas que mon équipe se comporte de l'âge, tu sais. On aimerait suivre les directives, mais ça nous confond l'âge du lest. Écoute la mélodie, après ma main qu'en diras-tu? Premier pas c'est le délire et pas la même candidature. Y'a du niveau c'est sûr, chacun taf ses propres techniques. Mars faire marcher dessus, comme un caillou je fais projectile. J'ai des projets de style, fier tout de même j'suis objectif. Comme mon équipe ou des badasses, t'amour avec ses crochets kills. Crochetif face à la zig, tu peux te faire cette image de moi. Le son m'inspire, y'a quoi de tragique? Désolé si je te déçois, encore un couplet. Mais je te dirai pas la suite, moi c'est 7 sur 7. Que l'instru chaîne à ma guise, tu schématises mais c'est pas ça. D'ailleurs c'est pas toujours ce qu'on veut, puisque nous sommes que de passage. Sur cette terre faut faire de son mieux, je reste honnête, sérieux. Faudrait-il que je me la raconte pour le succès ce gros connard sur lequel les mots la rabondent? J'ai pas besoin d'un bombe, mais d'un mic comme une icarne. MST la bombe, quand est-ce que l'info se communiquera? Quand je regarde le monde, j'ai tellement mal que mon cœur gueule. Et je vois les chefs d'état qui se prostituent comme des escort girls. Tous les indicateurs sociaux sont dangereux. Et si des barcheries comme eux, t'es rejeté comme un jeune roux. La vie est cruelle comme un gamin de primaire. Je plierai mon genou tant que personne répondra à mes prières. Je déprimais hier et je sais que demain ce sera. On étouffe sous cette ferrière et moi je veux que mes sauces respirent. Je vois que la vie saigne sans cesse comme une hémophile. Et c'est ce qui fait qu'autour les mots fans ou les mots filent. Sur des feuilles ou dans des discussions de foulets. Que je foulais, boulais les chaînes dans les oubliettes. Mais juste en rêve,